Ja, occupez-vous de vous autres, puis faites votre propre cheminement de vous autres. Puis avec le temps, vos enfants, ils vont découvrir que vous avez pas mal d'allure. Là, vous n'avez pas d'allure encore, là, pour eux autres. Mais avec le temps, ils vont voir que vous avez pas mal d'allure. Vous êtes pas mal fin, puis smart, puis intelligent, puis vous comprenez leur situation. Si vous comprenez leur situation parce que vous avez des corps sensibles pour vous équilibrer à leur corps sensible, éventuellement, vous allez pouvoir leur parler de ce que vous savez, puis ça va rentrer. Mais là, si vous arrivez après des séminaires, puis ce que vous commencez à lire des livres, ainsi de suite, avec vos gros canons, quand eux autres sont au niveau de Michael Jackson, puis le Prince, puis Eddie Metal, ben c'est évident qu'ils vont vous faire un mur. Ils vont dire, fais tes affaires, là, puis moi, je fais mes affaires. Fait que, il y a un temps pour ça. Puis ça prend une certaine... Ça prend un temps, ça prend une patience. C'est pour les couples. Les couples, au niveau des... Un des deux qui avance plus vite que l'autre, c'est pas... Il y en a toujours un qui est plus avancé que l'autre. Seulement, s'il avance trop vite, puis il veut faire avancer l'autre trop vite, l'autre va se casser une jambe. Fait que, c'est encore une affaire de rythme. La première chose qui compte, d'abord, c'est de vous occuper de l'autre sur un plan humain. Puis si vous occupez bien de l'autre sur un plan humain, ben à ce moment-là, l'autre va pouvoir s'intéresser à votre plan supra-humain. Et si vous n'êtes pas capable de vous occuper de l'autre sur un plan humain, autrement dit, de réaliser le manque d'intérêt qu'il y a pour ça pour le moment, de peut-être l'inquiétude ou la crainte qu'il y a pour ça pour le moment, à ce moment-là, ben, vous allez entrer dans une phase de discordance. Il n'est pas prêt! Il n'est pas prêt, l'autre. Mais si il n'est pas prêt, puis vous autres, vous êtes prêts, puis vous êtes capable de retenir votre prêt, ben dans le temps, il va voir que vous êtes pas mal au bout, il va dire, qu'est-ce que c'est cette affaire-là, parle-moi un petit peu. Mais non, c'est pas ça qui arrive. C'est qu'aussitôt que vous sortez d'un séminaire, là, vous arrivez à l'autre qui n'est pas prêt, puis vous voulez le rendre prêt. C'est pas du prêt-à-porter, ça, cette affaire-là. Mais disons que c'est une femme là, qui a développé une certaine conscience, puis qu'elle est avec un homme. Je vais vous dire une chose. Parlez-moi pas de conscience d'abord, parce que même que vous ayez de la spiritualité, que vous soyez en train de prendre conscience, autrement dit, sortir de certaines vapeurs, ça, je suis d'accord, mais. Quand vous serez conscient, vous serez même plus conscient d'être conscient. Vous serez plus intéressé d'être conscient. Vous direz plus au monde que vous êtes conscient. Vous direz plus au monde que vous êtes dans votre intelligence. Vous ne parlez plus de même. Fait que tant que vous dites au monde que vous êtes conscient, que vous êtes dans votre intelligence parce que vous n'êtes pas conscient, fait qu'automatiquement, ceux qui vous entendent dire ça, ils ne veulent rien savoir de vous autres, c'est très normal. Je suis conscient. Je suis dans mon intelligence. Écoute-moi, là. Oh Dieu, tu m'as la marde. Ils ont raison. Je suis conscient. Ça veut dire quoi, ce je suis conscient? C'est parce que les gens se bâtissent un langage, puis à un certain moment... Gardez-les votre langage pour ceux qui comprennent ce langage-là, puis ceux qui parlent allemand, bien parlez allemand, puis ceux qui parlent français, parlez français. Mes vibrations, puis j'ai mes vibrations. Sont-ils bonnes tes vibrations aujourd'hui? Oui, ils sont bonnes vibrations. Moi, je ne vais pas travailler patron aujourd'hui parce que j'ai pas de bonnes vibrations. Mais mange la merde, Chris, quand tu auras de bonnes vibrations, tu viendras travailler. Moi, tu crées ça à part. Il fait bien, patron. Parce qu'un jour, quand tu voudras travailler, puis le patron te dira, tu viens de travailler, tu vas dire, oui, patron, je vais travailler. Ou si tu es malade, tu vas dire, patron, je suis malade. Tu ne vas pas dire, j'ai pas de bonnes vibrations aujourd'hui. Si ton patron est conscient, il va te parler de vibrations, vous allez vous entendre. Mais si c'est un gars normal, autrement dit, anormal, mais à ce moment-là, ben, il va te parler de vibrations. Voyons. Parler le même langage. C'est évident qu'en devenant conscient, on développe un langage qui est plutôt ésotérique. Mais garde ça pour les ésotériques. Ne va pas parler de ça à ta belle-mère. Voyons. Vibration. Mais. Frère. Comme ça, Bernard. Les célibataires qui se donnent comme prétexte que les gens sont pas nécessairement pas à la hauteur, mais n'ont pas le même niveau de communication, c'est une illusion, ça. Tu sais, les gens qui sont célibataires, qui rencontrent quelqu'un, puis qui pourraient... ça pourrait fonctionner, ces deux-là, mais la personne qui se dit, entre guillemets, conscient, là, avec ce que vous venez de dire, je fais attention. C'est une illusion, ça. Ouais, les gens qui se disent conscients, puis qui demandent célibataires parce qu'ils sont trop conscients, ils ont des gros problèmes de conscience. C'est une façon pour bien des gens de s'isoler, ça. C'est une façon pour... Ça fait partie de l'illusion. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'un individu qui rentre dans un processus, entre guillemets, d'instruction de conscience, en vient à voir s'isoler dans un langage? à vouloir se sentir absolument différent de la masse. Qu'est-ce qui fait ça? C'est quoi? C'est de l'orgueil? C'est parce qu'il y a des intuitions, il y a des perceptions qui sont différentes de celles de la masse. Mais il faut qu'on arrive à les intégrer, ces affaires-là. Sans ça, il devient marginal. Il se coupe du monde. Comme la fille a dit, ben moi je veux rencontrer un gars qui est mental. Ou le gars il me dit, je veux rencontrer une femme qui est mentale. Un gars, une femme mentale, tu peux t'ennuyer. Bon. Rencontre une femme d'abord. Commence d'abord pour rencontrer une femme. Non, il y en a une mentale. J'avais l'impression que tes femmes cherchaient des hommes mentaux. Ça, c'est tout du porte-manteau. Genre, je n'entends des conversations des fois. Le gars, il rencontre une fille à bord, il dit, t'es-tu conscient? Mais l'autre, il répond, je dors pas. Je suis conscient. C'est vrai, hein? Mais avant, il demandait le signe astrologique, c'était pas mieux. Ouais, bon, moi, c'est, ça fait partie des conversations banales, parce que les gens sont pas assez créatifs. C'est quoi ton signe? C'est un cochon. Moi, quelqu'un qui me demanderait qu'est-ce que c'est mon signe, j'en sortirai à tout un, hippopotame, n'importe quoi. Ça, il vous dirait ça, pas le coq. C'est vrai, hein. Mais, dans c'est difficile de venir au sérieux. Dans les conditions où les gens, disons, vivent, évidemment, avec une base d'inconscience, c'est réel. On peut être dans un milieu qu'on sent inconscient. Là-dessus, il faut se le donner. Là. Il y a des environnements, Bernard, que vraiment. Il y a des environnements inconscients, c'est normal. On vit d'une planète d'une civilisation évolutive, c'est normal. Par contre, il y a des gens dans le monde qui sont très, très intéressants, qui sont inconscients, mais qui sont très sensibles. Ouais. Il y a des gens dans le monde, c'est plein de gens dans le monde qui sont. Il y a des patrons, il y a du monde qui sont des gens normaux, inconscients, mais qui sont sensibles, des gens équilibrés, des gens, bon, des bons travailleurs, des gens qui sont généreux, hein, whatever. Mais la conscience, c'est un autre pain de manche. Puis la conscience, l'homme vient à la conscience individuellement. Mais si tu commences à te couper du monde parce que t'es conscient, t'es fait alors. T'es fait. Oui, mais il y a des milieux que vous n'êtes plus capable de fréquenter à cause de... Il y a des milieux que tu ne fréquentes plus, il y a des milieux que tu ne fréquentes plus, mais tu t'es créé dans ce processus-là des milieux que tu fréquentes. Mais ça ne t'empêche pas d'aller dans ces milieux. Moi, je vais vous répondre à votre question, parce que je sais que c'est une question qui touche à beaucoup de gens. Si quelqu'un m'invitait et disait, bon, ben Bernard, je t'invite, souvent on se raconte un homme d'affaires. Puis il me disait, bon, ben, je t'invite à prendre un drink d'un club un soir. Je vais y aller. Mm. Penses-tu, je vais dire, je suis conscient, je ne vais pas dans ces places-là. Je vais y aller. Je vais prendre un petit verre de vin. Je vais prendre même, peut-être prendre un scotch avec de l'eau. Puis je vais y parler, puis on va parler d'affaires. Mais si je commence à dire, ah, ben, moi, je suis conscient, je ne vais pas dans un club, puis je suis conscient, puis je fais possible, le gars, il va dire, bon, ben, reste là, l'espère, là, ils ont. Tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est de la marginalité. Ça, c'est comme les gens qui disent, ah ben moi, je mange pas de viande. Donc, tu t'en vas dans un gros party, le yang de la viande, mange pas. On va lui donner un tout de pique. Il n'est pas capable, là, un soir, manger de la viande. C'est encore des illusions. On est plein même. On est du temps. T'sais. On Mais, est bien conscient. Êtes-vous capable? Seriez-vous capable? Moi, j'appelle ça conscient. On est conscient. Mais sérieusement, seriez-vous capable d'être dans un environnement, là, j'essaie de l'imaginer le plus aristocratique possible, à force de rire, on finit qu'on se désarticule, et puis de rester vraiment anonyme, là. J'essaie, moi, dans ma tête, de vous voir là, dans un milieu là, de gens, là, tu sais, avec le petit doigt sa tasse de café. Mais t'es obligé d'être anonyme. Ouais, mais combien d'heures que vous seriez capable de rester? Aussi longtemps que je veux. Ouais. Seulement la chose qui arrive, c'est que quand une conscience, puis tu t'en vas dans un milieu huppé, comme vous dites, déjà, si tu y vas, c'est parce que t'as des raisons. Si tu y vas, t'as des raisons. Peut-être que tu y vas pour rencontrer une personne. Ouais. Mais t'as des raisons. tu y vas toujours pour des raisons. Okay. Moi, je peux pas aller quelque part sans raison. Fait que j'y vais pour des raisons. Ben, à ce moment-là, mais s'il y a une personne que je dois rencontrer dans 25, je vais rencontrer la personne puis je vais l'isoler des 25, mais les autres, ça va pas m'empêcher de parler de la pluie puis du beau temps ou de la politique ou de l'inflation avec eux autres. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'autre personne qui m'intéresse. Fait que tu te mélanges puis t'es anonyme, c'est très intéressant, c'est très valable. J'étais allé en France dernièrement, là. Je rencontre des gens intéressants, mais j'ai pas besoin de leur compter ma vie. Puis il y a des gens, mais tu vas plus loin parce qu'ils sont prêts. Tu vas là justement parce qu'ils sont prêts. Mais il faut que tu contrôles cette énergie-là sans ça, mais c'est elle qui te contrôle. Là, tu deviens marginal. Donc, c'est une illusion de penser qu'on peut souffrir de manquer d'échange avec un environnement quelconque. La façon que vous parlez, on pourrait échanger dans n'importe quel pays. Dans n'importe quel environnement. J'ai rencontré un homme en avion quand je suis venu de France. Un PDG d'une compagnie européenne, pour on a parlé de la politique japonaise, puis l'influence du Japon sur l'économie occidentale. Je suis pas allé dans mes grosses patentes occultes, là, concernant la fonction du Japon dans l'évolution de la race humaine, et ainsi de suite. Je suis resté ça bien terre à terre. Puis il a trouvé ça bien intéressant. On a eu du fun, puis j'ai dit, alors, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai dit, je vais vous donner mon numéro de téléphone, mais on pourra se prendre un petit café ici à Montréal, puis quand vous serez à Paris, mais je vous redonnerai un petit coup de téléphone, puis on ira manger chez Procop. Ben, fait que c'est le fun, c'est intéressant. Si le type, pour une raison que je saurais, pourrait être amené plus loin dans le discours au cours des mois ou des années, bon, j'irai plus loin. Puis si ça s'arrête là, ben j'arrête là. Mais au moins, je peux échanger avec lui. On a échangé au niveau de la politique française, on a échangé au niveau du nouveau premier ministre, Edith Cresson, puis sa relation avec, ou ses idées sur le Japon, et ça a été très intéressant. Fait que tu peux pas rester pogné, accroché dans tout le côté occulte de la conscience. Sans ça, tu vas avoir très peu de chum. Fait que c'est un système d'élévateur. Faut que tu montes au 7e, faut que tu descendes au rez-de-chaussée. Si t'es pas capable de faire le mouvement d'élévateur, mais tu vas rester pas au 7e, puis laisse-moi te dire, tu voyageras pas bien gros. Mais comment est-ce que vous faites pour savoir que vous pouvez aller jusqu'à un certain niveau? Ça, c'est vibratoire. Tu le sais. Puis la personne, sais-tu qu'elle ne peut pas aller jusqu'à un certain niveau? Je te donne un exemple. Souvent, les gens vont me dire, bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là, ça dépend de ce que je rencontre. Des fois, elle m'a fait mon niaiseux, je vais dire, mais je suis un chauffeur de taxi. Puis, là, c'est parce que si je dis que je suis un chauffeur de taxi, c'est parce que la conversation ne va pas durer longtemps, nous autres. Bon. Ou je vais dire, je suis écrivain. Mais si je dévoile, plus tu dévoiles, mais plus tu es obligé de répondre à leurs questions, parce qu'ils vont avoir des questions. Qu'est-ce que vous écrivez? Bon, ben, je vais dire, j'écris ça par la parapsychologie. Pour me donner quelque chose, un cadre. Bon. Ah, ben, ça fascine tout le monde, la parapsychologie. J'ai jamais rencontré personne qui n'est pas intéressé à la parapsychologie, surtout en Europe. Bon, à la parapsychologie. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, mais là, peut-être qu'ils veulent le gars, il va dire, qu'est-ce que c'est votre signe? Ou ça m'intéresse, ou j'ai lu un livre sur Life after Death. Fait que là, tu vois qu'il y a un petit filet. Un gars qui a lu La vie après la mort, ben là, tu peux commencer à aller un petit peu plus loin. Quelqu'un même qui s'intéresse à l'astrologie, tu peux aller un petit peu plus loin. Mais si le gars, il dit, la parapsychologie, ça, c'est je crois, c'est ça. Tu parles du smoke meat, t'arrêtes là. C'est comme ça que ça marche, tu le sais. Fait que tout est vibratoire. Tout est vibratoire. Des fois, je vais leur dire, ben, je suis président de conseil d'un certain nombre de sociétés. Fait que là, ben, ça va le situer par rapport à moi en tant que businessman. Puis si je vais aller plus loin, ben, je vais dire, ben, j'ai un petit hobby, j'écris des livres en parapsychologie. Ah, vous avez écrit là, ça là. Fait que ça va se développer. Fait que peut-être que c'est un homme d'affaires, un PDG qui s'intéresse aussi à ça. Parce que tout le monde a eu des expériences dans la vie. Fait que c'est comme ça que ça marche. Mais je comprends bien, l'individu qui est sûr de lui, il peut se créer les personnages qu'il veut selon les événements. Créer les personnages que tu as besoin pour créer un buffer. Tu peux pas arriver et dire, je suis Bernard de Montréal. Fait que tu crées des personnages. Fait qu'éventuellement, tu vas te créer des personnages en fonction de ton environnement humain. Fait que là, tu respectes l'autre, tu respectes la dimension de l'autre, puis tes personnages te permettent de rentrer dans un processus créatif avec eux autres. Sans ça, ben là, c'est too much. Bon, ça, c'est le côté où vous respectez les autres. Ouais. Par contre, on est placé souvent dans des situations où l'environnement ne nous respecte pas. Et puis, comment disons, quand on parle de souffrir de la spirale, comment qu'on peut se délivrer de cette inconscience qui est manifestée à notre égard, là, disons, parce qu'on devient plus sensible, ça, je pense que là-dessus, on s'entend. On devient plus sensible à certaines choses, et puis c'est vraiment une forme de petite névrose, là, qui peut ne pas être perceptible chez l'autre. Comment vous vous protégez contre un excès d'astralité venant de la, ou un excès d'inconscience, ou un excès de comportement? Vous coupez, vous... Mais ça dépend des centres de gravité. Plus on a un centre de gravité développé, moins l'environnement nous affecte. Si on n'a pas de centre de gravité, l'environnement nous affecte. Les gens qui sont très, très sensibles, excusez-moi, comme des fleurs, qui n'ont pas de centre de gravité, c'est des gens qui sont susceptibles d'être détruits facilement dans certaines situations de vie. Alors, il faut développer des centres de gravité. Puis développer des centres de gravité, ça veut dire en arriver avec le temps à éliminer de notre conscience psychologique la fameuse insécurité de l'ego, qui est basée sur une déformation psychique de l'être, qui est causée par une mauvaise éducation, qui est causée par l'influence de toutes les formes de la conscience sociale civilisée. Donc, éventuellement, on développe. Faut qu'un être humain ne peut pas se permettre de ne pas sentir qu'il n'est pas intelligent. Si l'être humain n'est pas capable de sentir qu'il est intelligent, qui n'est pas capable de voir qu'il est intelligent, qui n'est pas capable d'admettre qu'il est intelligent, à ce moment-là, il n'y a pas de centre de gravité. Évidemment, il y a des gens qui vont venir puis qui vont contester ou qui vont créer un dialogue qui va faire en sorte qu'ils vont mettre en écharpe votre intelligence. Mais si, puis ça va vous amener à développer encore plus un centre de gravité, puis plus un centre de gravité. Un être humain, quel que soit l'être humain, de quelque pays qu'il vienne, doit sentir qu'il est intelligent. Alors, pour des êtres humains, il y a des êtres humains, bon, pour vous donner l'exemple, sur l'échelle de l'évolution, si on prend des Haïtiens, par exemple, il y a des Haïtiens qui, pour eux autres, leur self-respect, c'est au niveau de leur la dignité qu'ils ont par rapport à eux-mêmes et qu'ils veulent que les autres respectent. C'est très fort avec eux autres, ça. Bon, mais ça fait partie déjà d'une certaine conscience. Quand on tombe dans des étapes plus évoluées de la conscience humaine, comme dans un monde occidental, où on est allé à l'école, on a pris des cours, où on a une certaine éducation, une certaine formation, qu'on a une certaine sensibilité, il n'y a pas de raison que l'homme moderne d'aujourd'hui ne sente pas son intelligence, qui est intelligent. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de centre de gravité. Une fois qu'il y a ça, puis qu'il en prend conscience, à ce moment-là, ben ça se dans la lutte avec l'extérieur, que j'admets, éventuellement, ça va devenir plus fort, plus fort. Parce que faut que l'homme en arrive à détruire le doute de son impuissance. Faut que l'homme en arrive éventuellement, l'homme conscient en arrivera éventuellement à vivre ou à connaître ou à reconnaître chez lui ce que j'appelle la suprématie psychologique. La suprématie psychologique, c'est la capacité mentale de l'homme d'atteindre un niveau de conscience suffisamment intégré pour ne plus être bousculable de l'extérieur, quels que soient les forces. Donc, tu peux pas empêcher le monde. On va prendre des politiciens, par exemple. Surtout, disons, aux États-Unis. Un politicien aux États-Unis, s'il veut demeurer dans la course, il faut qu'il puisse être conscient de son intelligence et aussi développer des buffers contre la conscience ou l'agressivité des masses autour de lui. Sans ça, il fonctionnera jamais, le gars. C'est un métier qui est très difficile à être politicien parce qu'on est toujours en conflit avec multiples sources de mentalités qui sont contre nos perceptions. Donc, il faut des centres de gravité, puis un politicien, ça a certains centres de gravité. Alors, l'homme, c'est la même chose. L'homme qui se conscientise, il faut qu'il développe des centres de gravité, sinon sa sensibilité ne sera pas suffisante pour l'amener à aller plus loin dans l'évolution de sa conscience, puis dans le développement de son mental. Être sensible, c'est passé. Être sensible, c'est une qualité de l'âme. Ce n'est pas un attribut de l'esprit, c'est une qualité de l'âme. Donc, d'accord, c'est une belle qualité de l'âme, mais elle a son côté négatif. Ça fait partie des vertus et des défauts. Il y a des gens qui ont trop de sensibilité, c'est la fleur de peau. Si moindrement sont attaqués, ils sont tellement fragiles, ils craquent. Tu peux rien faire avec ça. Il faut que cette sensibilité-là, qui est dans le fond une sensiblerie, soit transmuté pour que ça devienne une grande sensibilité, une belle sensibilité, mais une forte présence de son esprit à travers une qualité d'âme qu'on appelle la sensibilité. À ce moment-là, ça devient une arme, mais qui a deux tranchants, qui te permet d'ouvrir des portes, puis qui te permet d'enfermer des portes. Moi, j'ai une grande sensibilité, je suis capable d'ouvrir des portes, je suis capable de fermer des portes. À ce moment-là, je ne souffre pas de l'extérieur. Mais c'est ça que l'homme doit développer. Il doit en arriver à ne pas souffrir pour rien à cause de sa grande sensibilité de l'extérieur. Parce que ce qui va arriver, c'est que dans la lutte entre son ego en évolution puis les égos inconscients, philistins à l'extérieur, il va vivre un certain doute de son intelligence, un certain doute de sa sensibilité, un certain doute de ses perceptions. Puis avec le temps, il va les éteindre, puis il va les éteindre, puis il va les éteindre, puis il va les éteindre. Puis un jour, il n'aura plus de doute par rapport. Ça, c'est de la conscience. Bon, le terrain dans lequel on développe les centres de gravité, est-ce que c'est en relation avec les résultats qu'on atteint ou c'est simplement dans les situations d'obstacles ou d'obstruction dans lesquelles on est plongé? Non, s'il y a pas de résultat. Les centres de gravité se créent instantanément en situation. C'est en situation que vous développez un centre de gravité. Indépendamment du résultat. Je vous donne un exemple difficile, là, pénible. Là. Vous êtes une mère, vous avez un fils. Votre fils se fait frapper par une automobile, il meurt. C'est là le temps de développer un centre de gravité. Savoir que ça va sur un autre plan. C'est plus lui qui a le problème, là. Lui, il est sur un autre plan. Tout est dans la chaîne, tu es sur le plan matériel, tu dois continuer à vivre, même avec sa mémoire, avec sa peine. C'est là que tu développes un centre de gravité. C'est indépendant du résultat. C'est dans la situation qu'on développe un centre de gravité. C'est dans la situation qu'on développe un centre de gravité. Il se produit toutes sortes de choses. On a une myriade d'occasions de développer un centre de gravité tous les jours. On n'a pas besoin de rechercher. Ah non. Rechercher rien, c'est... La vie est pleine de merde. Cherchez-en pas d'autres. Vous allez devenir des spécialistes de la merde demain. Non, il y en a assez. La vie, elle est difficile. Elle est faite pour ça parce que la Terre, c'est l'école. Oui, c'est vrai. Sans ça, vous allez devenir des masochistes. Puis là, vous allez réellement basculer. Non, la vie, elle est faite pour être difficile. Elle est programmée pour être difficile. Chaque être humain est programmé. Ça fait partie de vos horoscopes. Ça fait partie de vos thèmes astrologiques. Puis à l'intérieur de cette programmation-là, si l'homme est conscient, si l'homme se conscientise, si l'homme commence à voir à travers toutes les sciences qu'on a aujourd'hui comment ça fonctionne, à ce moment-là, vous développez des centres de gravité, puis un jour, l'homme en arrivera à ne plus être violable par la vie. Là, il sera libre, l'homme aura conscience de sa destinée, l'homme saura ce qui s'en va, l'homme contrôlera son énergie, l'homme sera plus influençable de l'extérieur, l'homme sera totalement créatif, il sera plus marginal, il sera original dans sa conscience. Il sera dans une conscience de fusion. Il sera dans une conscience supramentale, autrement dit, plus élevée en vibration que le mental inférieur de l'intellect. C'est ça l'évolution de l'âme. Mais c'est en situation que ça se crée. OK, on parle de lucidité. Est-ce qu'une personne, c'est intelligent d'éviter d'être mis en situation? D'éviter d'être mis en situation? Ben, on parle des fois d'être lucide. Ben, tu ne te mets pas en situation. C'est évident que tu ne te mets pas toi-même en situation. Une personne qui se mettra en situation pour se tester, pour voir si elle descend de gravité, ce serait une personne qui serait réellement ridicule. Ah non, mais il lui est proposé par les événements une mise en situation. La personne voit qu'il lui est proposé une sorte de test, ni plus ni moins. Est-ce que c'est une preuve de lucidité d'éviter la mise en situation? Évidemment. Donc, évidemment. Est-ce qu'être lucide, ça présuppose déjà un centre de gravité? Être lucide, c'est avoir développé un centre de gravité. Donc, ce qu'on évite comme problème dans la vie est fondé sur un acquis de centre de gravité. Les problèmes qu'on évite dans... Les problèmes qu'on évite sont basés sur un certain niveau de discernement. Qui est fondé sur un centre de gravité? Qui demande un certain centre de gravité, oui. Donc, on peut mesurer notre centre de gravité sur par rapport au discernement qu'on a puis les problèmes qu'on évite, oui. OK. Oui. Les gens là, qui sont toujours dans la merde, qui se mettent toujours les pieds dans les plats, c'est des gens qui n'ont pas de centre de gravité. Ils n'ont pas de centre de gravité. Bon. Parce que quand une personne se met les pieds dans les plats une fois, d'accord, no problem. Mais deux fois, puis trois fois, là, c'est de la connerie. OK. Tu n'as pas l'expérience de l'affaire, tu t'en prends une mesure, tu l'ajustes. Non. Après ça, il y a une autre affaire qui va venir, tu l'ajustes. Fait qu'éventuellement, tu deviens tellement habitué instantanément de mettre de l'ordre dans ta vie puis de l'ordre dans ta vie qu'éventuellement, ta vie devient un ordre nouveau. Mm-hmm. À ce moment-là, tu es lucide, la vie, tu es bien dans ta peau, puis il peut rien se produire que tu ne peux pas... J'ai un terme anglais que tu ne peux pas « handler ». There's nothing you can do that you can handle. ta fille meurt, t'es encore régi par les lois d'accident. Tu peux avoir des accidents, tu peux se poser des affaires, mais tu vas pas casser. Puis tu vas encore développer des centres de gravité. Puis tu vas encore développer ton centre de gravité. Donc c'est comme ça que ça marche. Parce que l'évolution et le développement de la conscience supramentale, ça n'a pas de fin. Autrement dit, même quand l'homme sera arrivé à un point où il devra lâcher son corps matériel, quand il sortira de son corps matériel, il passera directement au plein intellect. Donc, ça n'a pas de fin, cette affaire-là. Mais tant que l'homme est dans la matière, il faut qu'il apprenne à utiliser toutes les expériences, tout ce qui se passe au niveau événementiel, et le transmuter sur place. Ça développe des centres de gravité, ça l'amène à un grand discernement, ça l'amène éventuellement à la lucidité, ça l'amène à l'intégration de son énergie, puis à un haut niveau de fusion, à un haut niveau d'intelligence créative. C'est ça le but de l'évolution future de l'homme. OK, donc une première fois dans une expérience qui n'est pas connue, c'est ça une mise en situation. C'est normal. Mais deux, trois, quatre fois, là, ça devient un manque de lucidité. C'est un manque de discernement. Ne parlez pas de lucidité, ça n'existe même pas à ce niveau-là. Puis il va venir un point, il viendra un point où un événement viendra, puis l'homme saura instantanément s'il doit aller par là ou par là. Il n'aura même plus besoin de vivre d'expérience. Si vous me demandiez qu'est-ce que c'est être lucide, je vous dirais que être lucide, c'est ne plus vivre sur la terre d'expérience. C'est de vivre simplement de conscience créative. L'homme en arrivera à ne plus vivre d'expérience. En attendant, l'homme vit l'expérience. Donc, à l'intérieur de ça, il développe du discernement. Il développe ses centres de gravité. C'est la chose la plus importante pour l'homme de développer les centres de gravité. C'est pas tellement la conscience occulte, les connaissances occultes de l'invisible. C'est pas ça qui compte. C'est sa capacité sur le plan humain, dans son enveloppe matérielle, dans son enveloppe charnelle, de pouvoir dealer émotivement avec la vie tout le temps. Pour en arriver à avoir un mental clair tout le temps, parce que des problèmes, ça n'existe pas. Ce sont des illusions qui sont créés dans notre conscience astrale pour perturber notre énergie, pour voir si on est capable d'aller plus loin. Puis ça fait partie de l'expérience de l'âme, mais ça ne fait pas partie du mouvement de l'esprit. Un centre de gravité, là, est-ce que ça peut être manipulé par un homme? Est-ce que vous, là, avec votre centre de gravité, vous pourriez être manipulé par une personne, par exemple, qui a beaucoup de pouvoir économique ou beaucoup de pouvoir politique? Si l'homme a un centre de gravité très développé, il a une conscience très lucide, il ne peut pas être manipulé. Même si quelqu'un qui est puissant vous identifie comme étant, exemple, il veut travailler avec vous absolument, puis il a les moyens de le faire, là. Il ne peut non, pas vous l'imposer. Que, non, parce que par vibration, un homme qui a une conscience, qui a des centres de gravité très développés pour percevoir, il devient très voyant au niveau de l'énergie des autres. Donc, même s'il rencontre une personne qui a, comme vous dites, les moyens pour travailler avec lui, s'il ne sait pas, parce que là, tu es rendu dans le savoir, s'il ne sait pas que la personne a de l'esprit, il va couper. Un homme conscient ne peut pas travailler avec une personne qui n'a pas d'esprit. C'est l'esprit qui compte. Parce qu'avec de l'esprit, tu peux faire énormément de choses. Ça n'a plus de fin, ça crée une alliance qui n'a plus de fin. Dans ce que si une personne a simplement des moyens matériaux, mais qui n'a pas d'esprit, il y a une finalité à ça. Okay. Donc, non. Un être conscient, un être lucide, c'est pas influençable. Ni intérieurement, ni extérieurement. Donc, c'est pas du pouvoir, un centre de gravité, c'est vraiment une vibration, la façon. Un centre de gravité, c'est la cristallisation de l'énergie dans certains points stratégiques du corps que vous autres vous appelez des glandes. Okay. Puis c'est par ces centres-là que passe l'énergie occulte des plans. Et je vous donne, quand vous avez un accident, supposons que la femme appelle son petit gars, il y a une nouvelle qui vient au téléphone, le plexus solaire qui vibre. C'est un centre d'énergie, le plexus solaire. Si la personne a un certain centre de gravité, ça va vibrer moins, ça va pouvoir le prendre, elle va le prendre mieux. Si la personne a un centre de gravité très très développé, ça ne vibrera même pas ça, cette affaire-là. Parce qu'elle va être très très lucide de ce qui se passe. Elle ne mettra plus d'émotion dans son mental. C'est ça le centre de gravité. Et c'est ça qui est le plus important pour l'être humain. C'est pas tellement la connaissance. La connaissance occulte, ça fait partie de la pénétration de l'esprit de l'homme dans les mondes invisibles. Mais ce que l'homme sur la terre a besoin, ce sont des centres de gravité suffisamment développés pour qu'ils ne soient pas toujours perturbés dans sa vie. Tu perds ta job, tu vas en trouver un autre. Tu ne peux pas payer ton téléphone. Ta belle-mère va mourir, elle va te laisser 10$. Tu ne le sais pas encore. Yeah. Fait que la vie, ça continue.